Avec mes Playmobil, personne me traitait de débile. Avant je pouvais tout faire, j'étais le roi de l'Angleterre. Chevaux, j'étais coléoptère, même aux dragons, je mettais leur main. Avant c'était le pied, j'étais le plus mignon du quartier. Une dent en moi, elle faisait craquer pour un rond, on m'applaudissait. Avant j'avais de l'avenir, je ne pensais plus jamais grandir. Mais quand t'es arrivé le pire, j'ai cru souffrir à en mourir. J'étais pas préparé, fait chier, j'ai laissé ce secret s'afficher de mes pieds à mon nez. Désœuvré, délaissé, délavé, mon aspect a changé. Et je dois m'avouer cette cruelle vérité. Putain, j'ai attrapé la puberté. Et la peau bébé, maintenant je vais dépousser la clé. J'ai attrapé la puberté. Confiance au minimum, dépend des bandes de ses pommes. J'ai attrapé la puberté. Dans les relations humaines, ma main semble être celle qui m'aime. J'ai attrapé la puberté. J'ai eu à ridiculer une seule pensée qui m'accule. J'ai attrapé la puberté. Avant, pas de stress. Je nourrissais que de sucettes. J'étais une princesse. Je m'inventais des vies secrètes. Les garçons de mon âge, pour moi, auraient pu croiser le fer ou cueillir des nuages pour m'emmener autour de la terre. C'était mon monde imaginaire. La fée Clochette, ma confidente, aurait pu me prévenir que mon derrière aurait la taille d'un parapente. Ça y est, mon corps s'est transformé, réussissant cette prouesse. Mes hanches, mes joues, mes pieds, mon nez, tout ne change pas la même vitesse. Pour trouver un peu d'espoir, je pars à la chasse au point noir. Avant, jouais comme des copains, maintenant ils voient plus que mes seins. Putain, j'ai attrapé la puberté. Regarde de plus d'espace, ma vie à me raser. J'ai attrapé la puberté. Mes dents emprisonnées, j'ai de la salade qui reste coincée. J'ai attrapé la puberté. Je parle plus à mes parents, y'a plus que mon rat qui me comprend. J'ai attrapé la puberté. Je peux plus me baigner, on va sortir de ma tête en boue. J'ai attrapé la puberté. J'ai attrapé.